Mesdames, Messieurs, d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de ce colloque pour l'accueil chaleureux et aussi, évidemment, pour la générosité envers les participants. Je voudrais aussi m'excuser pour mon français, parce que je ne suis pas francophone d'origine. Le français est celle de ma terre d'adoption. Je voudrais commencer ainsi. Le 23 janvier 1782, deux membres de l'Académie royale des sciences, Joseph-Jérôme Lefrançois de Lalande et Auguste-Denis Fougeroux de Bondarois, présentèrent à leurs confrères un rapport élogieux sur un nouveau livre écrit par le naturaliste Pierre Sonnerat et consacré à son voyage scientifique fait par ordre du roi vers l'Inde, la Chine et quelques îles situées dans l'océan Indien entre 1774 et 1781. Il considérait l'ouvrage comme digne de l'approbation de l'Académie et l'auteur comme un observateur éclairé. Et d'après les examinateurs, Sonnerat devait son autorité au fait qu'il avait mis les académiciens dans une position privilégiée. En rassemblant une collection d'objets qui pouvaient confirmer ses observations, il nous en rendoit ainsi les témoins et les juges, disait-il. Les expressions utilisées par Delalande et Fougeroux de Bondarois, le travail curieux et instructif, le zèle et le goût des observations, s'instruire dans le voyage, l'attention prêtée à l'ordre et à la précision, étaient devenus les topoi d'une science occidentale qui, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, avait commencé à apprécier les voyages scientifiques comme vraie source de savoir. L'élévation de ce récit de voyage au rang de traité scientifique est illustrative de la manière dont, à la fin du XVIIIe siècle en France, les expériences de voyageurs savants furent intégrées dans un appareil scientifique métropolitain mis sous le contrôle de l'État. Dans cette contribution, j'étudie dans quelle mesure a évolué, sous les règnes de Louis XIV jusqu'à Louis XVI, l'attitude de l'État français envers les opérations développées dans les territoires d'outre-mer, dans l'objectif de rassembler une nouvelle connaissance de la nature. Peut-on identifier des mécanismes d'intervention d'État dans l'affirmative, quelle était leur nature, qui étaient les protagonistes, par quelle idée les hommes politiques étaient-ils influencés quand ils prenaient les décisions d'envoyer des savants vers les territoires hors de l'Europe. Je me concentrerai donc sur l'appareil d'État français et sur les voyages commandés et financés par le roi et son gouvernement. Trois aspects seront mis en évidence ici, à savoir les mécanismes de patronage et de protection, les mécanismes d'approbation scientifique et la mise à profit des connaissances rassemblées par les voyageurs. Pour chacun de ces mécanismes, on trouvera une clé dans le cas de Sonnerat. Elle ouvrira la porte à une interprétation à long terme au moyen de plusieurs exemples. Parlons d'abord des mécanismes de patronage et de protection. Pour les carrières des naturalistes voyageurs de l'Ancien Régime, le système de patronage et de protection fut essentiel. Il garantissait le revenu, élargissait les perspectives professionnelles, ouvrait les portes à des réseaux de savoir, de pouvoir, de richesse et de prestige. En bref, il créait des opportunités pour gravir les échelons de la société. Quand on regarde de près le cas de Sonnerat, on doit constater que tout au long de sa carrière, le patronage a joué un rôle crucial. Il pouvait voyager à l'Orient grâce au soutien d'un influent membre de sa famille qui occupait une autre fonction dans l'administration coloniale, notamment son cousin Pierre Poivre. C'était cet illustre intendant des Mascareignes qui lui offrait l'opportunité de s'occuper de recherches botaniques en marge d'expéditions militaires et économiques françaises dans l'océan Indien. Par ses contacts avec des hommes d'État comme Turgot, Sonnerat fut nommé sous-commissaire de la marine à l'Île-de-France. Enfin, le patronage intervenait dans sa tentative de gagner en crédibilité scientifique Sonneret dédiait son récit de voyage au directeur général des bâtiments du roi, Charles-Claude Flahaut de la Billarderie, comte d'Angivilliers, protecteur de l'Académie royale des sciences, dans l'espoir qu'il serait publié sous les auspices de cette vénérable compagnie. Donc, vous voyez ici les personnes en question. Il va sans dire qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, l'État français menait une politique extrêmement paternaliste sur tous les niveaux. Il s'occupait constamment de l'attribution ou des refus de pensions ou d'autres gratifications. Comme James McClellan, ici présent, et François Regour ont bien souligné dans leur étude sur la machine coloniale, le roi tenait une position clé dans le conglomérat de personnes et d'institutions qui mettaient la nouvelle science en pratique. Faisant appel au patronage, le souverain réussit à lier un grand nombre d'acteurs de la société à sa couronne. Dès les années 1660, Louis XIV et Colbert concevaient les nouvelles structures pour la politique scientifique de la France, comme on a vu hier, avec par exemple l'Académie royale des sciences. Un système politique centralisé et pyramidal prenait le contrôle sur la majorité des activités scientifiques en France et dans les territoires d'outre-mer aussi. Pourtant, ce n'est pas le roi lui-même, mais un de ses plus proches collaborateurs, notamment le secrétaire d'État à la Marine, qui a laissé sa marque sur l'exploration scientifique. Responsable de la flotte militaire, des compagnies privilégiées et de l'administration des territoires d'outre-mer, il se trouvait dans une position idéale pour faciliter les voyages. Avant leur départ, les voyageurs naturalistes recevaient de lui des lettres de recommandation et des passeports. Avec ces documents, il se présentait aux fonctionnaires dans les territoires d'outre-mer. Ceux-ci étaient invités à apporter un soutien sous plusieurs formes. Le transport, le logement, la nourriture, la protection, l'assistance aux activités d'observation, l'expédition de correspondances d'animaux, de minéraux, d'herbiers, de graines, de plantes vivantes ou d'autres échantillons. En outre, le secrétaire d'État à la Marine intervenait aussi après le retour des voyageurs, par l'attribution d'une pension, par le remboursement des frais ou par la formulation d'un avis favorable auprès du roi dans le cadre de la désignation du titre de botaniste du roi ou de mathématicien du roi. Le surintendant des bâtiments du roi, chargé de l'Académie et du Jardin du roi, utilisait son influence d'une manière assez similaire. Dans les dernières décennies du XVIIe siècle, Colbert et son successeur au poste du secrétaire d'État à la Marine, le marquis de Seignelay, accordaient des lettres de recommandation assez modestes à des missions assez modestes organisées par l'Académie dans le contexte du programme géodésique de Cassini, dont on a parlé aussi hier, à l'Académie et à l'Observatoire de Paris. On connaît les voyages faits par Jean Richer en Acadie et à Cayenne, l'expédition de Varin, Désé et Glos à Gorée, Guadeloupe et Martinique, et les voyages des jésuites vers le Siam et la Chine. Ces opérations étaient presque exclusivement orientées vers l'observation astronomique avec une attention particulière pour les problèmes de longitude. On combinait ce travail avec des essais qui avaient comme objectif de contrôler le fonctionnement sur mer d'horloges conçues par Christian Huygens. On ne doit certainement pas surestimer l'apport de l'État à la réussite de ces expéditions dans cette période. Dans les années 1670, la France ne disposait pas encore d'une grande force navale. Les lettres de recommandation que Colbert adressait à des capitaines de vaisseaux de la Compagnie des Indes étaient peu contraignantes et par conséquent, les voyageurs savants étaient maintes fois confrontés à de graves problèmes de transport. Au tournant du siècle, les connaissances de plantes exotiques devinrent plus importantes et furent enrichies grâce aux contributions d'experts envoyés vers les territoires d'outre-mer, surtout sous l'influence de la famille des Philippot ou le clan des Philippot, qui exerçait le contrôle sur l'office de secrétaire d'État à la Marine pendant presque un demi-siècle. Le patronage était élargi aux voyageurs qui contribuaient à l'histoire naturelle. Les publications de voyageurs naturalistes célèbres tels qu'un Charles Plumier ou un Louis Conchefeuillet contiennent de nombreuses expressions de gratitude à leur adresse. En 1702, Joseph Piton de Tournefort accomplit avec succès sa mission botanique au Levant et en organisant des audiences près du roi, lors du départ et du retour du voyageur savant, Pontchartrain avait élevé l'expédition au niveau d'une affaire d'État. Tout au long du XVIIIe siècle, les secrétaires d'État à la marine garderaient leur poids dans l'organisation de l'exploration scientifique, du voyage au Pérou dans les années 1730, dont on a parlé tout à l'heure, entrepris par une équipe d'académiciens dans le but de mesurer un degré de l'arc de méridien près de l'équateur, sur mandat de Jean-Frédéric Philippot, comte de Maurepas, jusqu'à la grande expédition dirigée par La Pérouse avec le soutien du marquis de Castries. Pour le bon déroulement d'un voyage, les voyageurs naturalistes se trouvaient également dans l'obligation de chercher la protection d'autres fonctionnaires, comme les intendants des ports de débarquement en France, les intendants des territoires d'outre-mer, où ils débarquaient pour faire la recherche, ou les administrateurs de l'Académie et du Jardin du Roi. Officiellement, tous ces gens étaient obligés de respecter et exécuter les instructions de Versailles, mais dans la pratique, ils usurpaient le droit de prendre des décisions plus librement, surtout quand ils devaient opérer à longue distance de la métropole. Certains fonctionnaires montaient un vif intérêt pour les voyages scientifiques et étaient essentiels à leur réussite. Par exemple, l'abbé Bignon, président de l'Académie, Michel Bégon, qui était intendant de la marine à Rochefort, le marquis de la Galissonnière, gouverneur général du Canada, Henri-Louis Duhamel du Monceau, inspecteur général de la marine. Parlons maintenant de quelques... Ce sont les personnages dont je viens de citer les noms. Parlons maintenant des mécanismes d'approbation scientifique. Permettez-moi ici de revenir au cas de Sonnera. Un point que Sonnera avait en commun avec les autres voyageurs de son temps était que pour l'approbation scientifique de son travail, il se tournait vers des institutions qui étaient placées directement sous la protection de la couronne, l'Académie royale des sciences et le Jardin du Roi. Son désir d'être reconnu comme scientifique se manifestait, entre autres, par le fait qu'il faisait don de spécimens naturels aux collections royales, ce que lui a valu le titre de correspondant du Jardin du Roi. En 1773, il envoya également à l'Académie un mémoire sur les origines de la coco de mer, dont vous voyez ici une planche, une plante spectaculaire à gros fruits qui est commune aux Seychelles. Sa description d'un spécimen trouvé sur l'île de Praslin réfuta toutes les histoires fantastiques. Le texte de Sonnera fut lu dans une séance de l'Académie, puis publié dans sa série « Savants étrangers ». Peu après, l'Académie nomma Sonnera correspondant de l'associé botaniste Michel Alençon. Son prochain livre fut publié avec le privilège de l'Académie. Initialement, l'Académie favorisait seulement des voyages astronomiques, mais l'intérêt pour l'histoire naturelle grandissait vite. Le surintendant des bâtiments du roi, Louvois, voulait que l'institution réorientât ses actions vers l'utilitarisme, en particulier la recherche de plantes utiles. Lorsque Louis Philippot reprit le flambeau en 1691, il nomma assez rapidement Tournefort comme pensionnaire de l'Académie, le premier qui travaillerait activement en dehors de l'Europe. Louis Philippot fut également responsable d'un changement de course encore plus drastique, notamment la nomination de Jean-Paul Bignon comme président de l'Académie. Sous sa direction, l'institution encouragea l'exploration dans le domaine de l'histoire naturelle, tout en gardant l'intérêt pour le travail astronomique outre-mer. Les changements structurels sous l'administration de Bignon permettaient aux voyageurs naturalistes qui n'étaient pas membres de l'Académie d'acquérir quand même l'autorité scientifique. La formule des correspondants de l'Académie était non négligeable. L'institution pouvait attribuer un non-membre à un membre effectif, pensionnaire et ou associé, et leur permettre de correspondre sur des questions d'actualité. Ainsi, l'Académie disposait d'un instrument qui pouvait animer ses sessions avec des présentations de savoir basées sur des observations faites à l'étranger. De nombreux naturalistes qui étaient actifs dans des pays lointains pourraient maintenant augmenter leur crédibilité scientifique de manière significative. Dans la plupart des cas, il s'agissait de fonctionnaires résidant dans les territoires d'outre-mer pour une longue période de temps, qui faisaient des excursions dans leur région afin d'étudier un monde naturel inconnu des Occidentaux. De ce genre de correspondants, on peut en citer beaucoup. Je cite ici quelques exemples. Michel Sarrazin et Jean-François Gauthier travaillaient au Canada. Le premier était le correspondant d'abord de Tournefort, puis de Réaumur. Le deuxième était le correspondant de Duhamel du Monceau. Jacques-François Arthur explorait la Guyane et était le correspondant de Réaumur et d'Antoine de Jussieu. Pierre-Nicolas Le Chéron d'Incarville voyageait en Chine et correspondait avec Bernard de Jussieu et Claude-Joseph Geoffroy. La correspondance était lue lors des séances de l'Académie et parfois de longs mémoires botaniques, zoologiques, minéralogiques ou astronomiques étaient laissés à la discrétion des académiciens. Une autre forme d'approbation était l'octroi ou l'attribution du privilège de l'Académie à certains auteurs de récits de voyage, une marque de qualité mentionnée sur la première page du livre publié. Après Tournefort, d'autres voyageurs naturalistes firent leur entrée à l'Académie. Ainsi, ils purent apporter de manière directe leur expérience de terrain au débat en chambre. Un bon exemple est Charles-Marie de la Condamine, qui avait voyagé au Levant et en Amérique du Sud. Il présentait plusieurs mémoires sur le Quinquina et un récit de sa descente de l'Amazonie. Michel Adanson présentait des mémoires consacrées au baobab qu'il a vu au Sénégal. Comme le progrès des sciences naturelles dépendait de plus en plus d'observations faites par des voyageurs dans des conditions difficiles et peu contrôlables, c'était évidemment ces nouveaux membres qui contribuaient le plus à la rédaction d'instructions que l'Académie confiait aux expéditions sur le départ. Avec l'introduction de ce système, la science institutionnalisée tentait de placer la pratique d'observation au loin dans un cadre de règles uniformes et universelles. La deuxième institution qui jouait un rôle important dans l'approbation scientifique des connaissances rassemblées par les voyageurs pendant l'ère des Bourbons était le Jardin du Roi. Recevant des objets naturels et de la correspondance de toutes les régions du monde, le jardin était devenu l'endroit par excellence où les plantes exotiques étaient classées selon les nouvelles méthodes, elles-mêmes encore en pleine évolution. De grandes quantités de plantes utiles provenant de régions tropicales étaient acclimatées dans le jardin. Cultivée en France, elle était ensuite exportée vers les territoires français de l'outre-mer pour être intégrée dans le système des plantations. Pour l'État, le jardin devenait le moteur principal dans la circulation de plantes entre la France et ses colonies. Et au cours du XVIIIe siècle, le gouvernement a tenté d'augmenter le contrôle du travail fait par les naturalistes à l'autre côté de l'océan. Par exemple, en 1773, le gouvernement introduisit le titre de correspondant du Jardin du Roi, essayant ainsi de lier les voyageurs naturalistes plus étroitement à l'institution. Parlons finalement de la mise à profit des connaissances rassemblées par les voyageurs. Je reviens une dernière fois sur le cas de Sonnera. Ce que Pierre Sonnera partageait avec beaucoup d'autres voyageurs naturalistes de son temps était que ses efforts pour rassembler une nouvelle connaissance de la nature allaient de pair avec une quête de gain. On découvre une correspondance entre ses travaux et la politique stratégique de la France qui visait le monopole des Hollandais dans le commerce des épices. En 1771-1772, Sonnera réussit à acquérir un giroflier ainsi qu'un muscadier des Moluques. Son second livre contient un grand nombre de gravures de plantes utiles, y compris le litchi, dont ici une planche. La description de Sonnera a favorisé la distribution de ce fruit aux îles françaises de l'océan Indien. Dès le début, les activités savantes de l'Académie étaient inspirées par les ambitions matérielles et l'esprit de l'utilitarisme. Mais pour les académiciens, le concept d'utilité était assez large. Cela pouvait signifier l'expulsion de l'ignorance, le développement d'une méthode scientifique, l'invention de nouvelles machines et techniques. L'interprétation du gouvernement était plus restrictive. Le travail des savants était un outil pour rendre l'État plus fort et plus efficace et accroître ainsi le prestige du monarque. Sous Colbert, les académiciens s'investirent dans des recherches qui pourraient faire avancer la navigation et la cartographie. Pour l'homme d'État, ce travail soutenait les ambitions maritimes de la France. Louvois, par contre, on l'a déjà dit, était de l'opinion que les savants devaient prêter l'attention à l'intérêt direct et donc à la facilité d'utilisation immédiate de leurs recherches. La botanique avait un tel potentiel, en particulier parce que les pratiques médicales pourraient bénéficier des qualités médicinales de plantes récemment découvertes. Au tournant du XVIIe siècle, les pratiquants de la médecine et les pharmaciens étaient de plus en plus encouragés à développer une expertise botanique. Il y avait un intérêt général pour les secrets des médicaments, tels que l'écorce de l'arbre de quinquina, utilisée pour le traitement du paludisme. Traditionnellement, le jardin du roi jouait aussi le rôle de jardin médicinal, utilisé pour maintenir le roi en bonne santé. Les premières plantes fournies par les voyageurs naturalistes au jardin du roi étaient sélectionnées sur base de la conviction qu'elles possédaient des pouvoirs de guérison. Il faut également souligner que le gouvernement se repliait sur un éventail de réseaux dans sa quête de plantes médicinales. Évidemment, les médicaments étaient devenus des marchandises, ce qui faisait que des courtiers commerciaux étaient impliqués dans ce trafic. Par tradition, beaucoup de missionnaires étaient détenteurs de savoirs médicaux transmis par des populations locales. Certains d'eux ont envoyé des herbiers, semences, plantes vivantes ou autres spécimens à Paris, ou ont aidé des voyageurs naturalistes qui passaient par la région dans laquelle ils étaient basés. Il y a l'exemple du jésuite français Joseph-François Lafitau qui a dédié une variété du ginseng Aureliana canadensis trouvée en Nouvelle-France aux régions. L'introduction du ginseng canadien à travers les réseaux de pouvoir a contribué à un éclatement des anciennes routes commerciales à une échelle mondiale. En effet, la France ne dépendait plus des intermédiaires qu'elle utilisait depuis longtemps afin d'obtenir la panacée notoire de la Chine. La chasse mondiale pour les objets naturels faisait également partie de la propagande royale. En effet, le gouvernement encourageait l'exploration botanique, zoologique et minéralogique car ces plantes exotiques étaient susceptibles de contribuer au caractère unique du jardin de Versailles. Les animaux venant de l'outre-mer animaient la ménagerie, comme on a vu à l'exposition. Et les pierres précieuses faisaient la gloire du cabinet des curiosités du roi. Les arts visuels étaient un autre aspect de la propagande. Ils reflétaient la grandeur du roi. La représentation de la nouvelle flore exotique était inclue dans ce cadre avec les vélins du roi. Mais beaucoup de voyageurs ont également fait don au roi de copies de leurs récits de voyage agrémentées d'illustrations colorées. Mis à part les considérations de santé et de propagande, le gouvernement reconnaissait qu'il y avait un troisième aspect utilitaire au savoir transmis par les voyageurs naturalistes. Vers la fin du XVIIe siècle, l'État français commençait à s'intéresser à des plantes qui donnaient un avantage économique, c'est-à-dire des plantes qui pourraient être cultivées en France ou dans les colonies françaises, d'une part, pour compléter et diversifier la nourriture disponible et les cultures industrielles, d'autre part, pour éviter que l'économie française dépendît trop du commerce extérieur. Il fallait un contrepoids pour le commerce en produits naturels en provenance des colonies espagnoles et hollandaises. Pendant la régence de Philippe d'Orléans, ce processus s'est accéléré. Après les guerres de Louis XIV, quelque chose devait être fait pour améliorer la situation sociale et économique du royaume. Le gouvernement pouvait compter sur une forte implication de l'Académie. L'abbé Bignon a poussé la compagnie vers la promotion active d'une science appliquée aux besoins de l'État. Il en est résulté l'enquête du régent déjà citée. Contrairement aux intentions originales, les territoires d'outre-mer n'y étaient pas incorporés. Cependant, de nombreuses sources indiquent que le régent a personnellement supervisé l'introduction de certaines cultures dans les possessions françaises de l'Atlantique. Un exemple bien connu est évidemment le café. L'État français visait de plus en plus le monopole hollandais dans le commerce des épices. Les possessions espagnoles n'échappaient non plus à l'intérêt des Français. Avec les activités du voyageur savant Amédée François Frézier au Chili et au Pérou dans les années 1712-14, la France se tourna vers l'espionnage économique et militaire. Frézier combinait la récolte de plantes utiles avec la cartographie de ports et de routes stratégiques. Au troisième car du XVIIIe siècle, les enseignements économiques et philosophiques des physiocrates inspiraient les hommes d'État qui cherchaient des solutions pour les problèmes économiques internes à la France. Cela aurait également une forte influence sur la quête de nouvelles connaissances de plantes exotiques. Cette période a vu la percée de l'agronomie, un champ d'études qui visait à appliquer le savoir botanique à l'agriculture d'une manière utile. Les agronomes voulaient moderniser l'agriculture par l'introduction de cultures étrangères, comme, on s'est connu, la pomme de terre, popularisée en France après la grande famine de 1769. Le gouvernement stimulait aussi les recherches sur les origines des maladies de plantes. Un problème très important en France était l'extension de la déforestation causant l'érosion de terrains, dont parlera notamment notre collègue James McLellan plus tard. Les agronomes prenaient conscience du potentiel énorme du bois dur venant de l'Amérique du Nord et publiaient des traités sur l'introduction d'espèces étrangères et sur la gestion rationnelle des forêts. On stimulait des missions qui visaient la récolte de plantes et d'arbres qui seraient utiles au reboisement de certaines régions en France. On connaît l'exemple de Joseph Dombey et aussi d'André Michaud, dont on parlera plus tard dans l'après-midi. Mais dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, ce n'était pas seulement des problèmes économiques internes qui stimulaient l'État français à encourager l'exploration scientifique. La politique étrangère a aussi laissé sa marque. Dans cette période de rivalité acharnée entre les forces navales des Britanniques et des Français, science, exploration et géopolitique se confondaient et le Pacifique était la scène de ce drame. La domination espagnole dans cette vaste région était déjà depuis un temps affaiblie par des actions militaires des deux grands pouvoirs du XVIIIe siècle. Suite à la circumnavigation britannique dirigée par James Cook, la marine française commençait elle aussi à organiser des expéditions spectaculaires. Officiellement, ces voyages étaient mis en place pour des raisons scientifiques, entre autres la quête du continent mythique Terra Australis. Mais derrière cette façade, plusieurs motivations stratégiques et utilitaires restaient cachées. On supposait que beaucoup de zones inexplorées hébergeaient encore des ressources naturelles qui devaient être tenues hors des mains de concurrents. Il était nécessaire de cartographier ces zones et d'en faire l'inventaire complet avec les meilleures techniques d'observation disponibles. À cette fin, l'État mobilisait d'énormes équipes d'experts munis d'instructions détaillées, rédigées par les grandes institutions scientifiques, dont l'Académie. Et par exemple, Bougainville a trouvé un compagnon dans le grand naturaliste Philibert Commerson. L'expédition dirigée par Lapérouse prenait à bord une grande équipe composée de botanistes, de minéralogistes, de zoologistes, d'astronomes, etc., qui disposaient tous d'un équipement scientifique spécialisé. Les botanistes, par exemple, pouvaient conserver les graines et plantes vivantes dans des caisses, paniers et serres spécialement conçues et approuvées par le roi Louis XVI pour la circonstance. Une partie des rapports et spécimens laissés à différents lieux de débarquement arriva finalement entre les mains d'André Toin au Jardin du Roi, malgré la fin dramatique de l'expédition au récif de Vanikoro en 1788. Comme Seymour Chapin l'a formulé à juste titre, l'expédition de Lapérouse était totalement orientée vers ce qu'il appelle « scientific profit from the profit motive ». Finalement, quelques remarques finales. Dans un espace de temps d'un peu plus de 100 ans, l'exploration du monde par des voyageurs naturalistes français a contribué beaucoup aux connaissances astronomiques et naturelles sur lesquelles les savants en Europe ont construit la nouvelle science. Ceci a été rendu possible grâce à une combinaison de mécanismes en termes de patronage et de protection, d'approbation scientifique et de mise à profit. L'implication du gouvernement a augmenté dans tous les domaines du voyage. L'État venait d'avoir prise sur le processus d'observation, ainsi que sur la collecte, la classification et la mise à profit d'objets naturels exotiques en France. Et ceci à travers une série d'institutions qui avaient lié les voyageurs naturalistes à leurs travaux de diverses manières. Nous voyons l'installation de modèles qui ont survécu jusqu'au XXIe siècle. comme Kapil Rai l'a souligné à juste titre, à la fin du XVIIIe siècle, les acteurs politiques, commerciaux, militaires et scientifiques se retrouvaient dans un projet qui est finalement très similaire à la Big Science d'aujourd'hui. Ni la nouvelle science des Lumières, ni la science de notre ère ne peuvent être comprises sans une connaissance approfondie des explorations scientifiques réalisées au XVIIe et XVIIIe siècle. Je vous remercie.